Ce matin-là, le 3 décembre, après avoir expliqué à Michel à partir de savants calculs algébriques comment leur projectile a été lancé, le président s'écria « Malédiction !» Il venait de constater une erreur relative à leur vitesse, erreur à cause de laquelle ils retomberaient sur la Terre. Cette révélation fut un coup de foudre. Nicole revit ses chiffres. Ils étaient exacts. Les trois amis se regardèrent silencieusement. De déjeuner, plus question. Tout d'un coup, le capitaine fit une réflexion qui alla droit à Barbicane. « Ah ça, dit-il, il est 7h du matin. Nous sommes donc partis depuis 32h. Plus de la moitié de notre trajet est parcouru. Et nous ne tombons pas, que je sache. »« Non !» s'écria Barbicane après quelques instants. « Non, nous ne tombons pas. Nous montons toujours. »« Ah, mon brave Nicole !» s'écria Barbicane. « Nous sommes sauvés !»« Eh bien, répondit tranquillement Michel Ardan, puisque nous sommes sauvés, déjeunons !» La confiance était plus grande après qu'avant l'incident de l'algèbre. « Maintenant que nous n'avons plus d'inquiétude, qu'allons-nous devenir ? » dit Michel. « Nous allons nous ennuyer royalement. » Barbicane et Nicole firent un geste de dénégation. « Mais j'ai prévu le cas, mes amis, » reprit Michel Ardan. « Vous n'avez qu'à parler. J'ai à votre disposition échecs, dames, cartes, dominos. Il ne me manque qu'un billard. »« Quoi ? » demanda Barbicane. « Tu as emporté de pareils bibelots ?»« Sans doute, » répondit Michel. Et non seulement pour nous distraire, mais aussi dans l'intention louable d'en doter les estaminets sélénites. Mon ami, dit Barbicane, si la Lune est habitée, ses habitants ont apparu quelques milliers d'années avant ceux de la Terre. Ils ont inventé tout ce que nous avons inventé déjà, et même ce que nous inventerons dans la nuit suite des siècles. Ils n'auront rien à apprendre de nous, et nous aurons tout à apprendre d'eux. Peu après, Michel constate que le chien satellite n'a pas survécu à ses blessures. Et, après une sortie de Michel contre les savants et ses triomphes qu'ils alignent sans sourciller, l'on procéda à l'ensevelissement de satellites. Il s'agissait simplement de le jeter dans l'espace, de la même manière que les marins jettent un cadavre à la mer. Mais il fallut opérer vivement. Une vitre, manœuvrée par un puissant levier qui permettait de vaincre la pression de l'air intérieur sur les parois du projectile, tourna rapidement sur ses charnières, et satellite fut projeté au dehors. C'est à peine si quelques molécules d'air s'échappèrent, et l'opération réussit si bien que plus tard, Barbicane ne craignit pas de se débarrasser ainsi des débris inutiles qui encombraient le wagon.